Je t'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que tu voulais, mais tu préfères prendre l'ascenseur au lieu d'escalier. Me fais pas croire que tu savais pas que j'aime bien calmer les choses. Ça m'a relais, ça ira. Ça va. Tu sais que c'est toi et moi, tu sais, ça marre. L'avenir c'est toi et moi, je t'aime, ça marre. Tu sais que c'est toi et moi, tu sais, ça marre. L'avenir c'est toi et moi, je t'aime, ça marre. Ça marre, t'inquiète pas, tout va rouler. Ça marre, ne fais pas tout écrouler. Ça marre, au bout du monde on ira nous deux. Ça m'arrole, j'apaiserai toutes tes douleurs. Tu sais que c'est toi et moi, tu sais, ça m'arrole. L'avenir c'est toi et moi, je t'aime, ça m'arrole. Tu sais que c'est toi et moi, tu sais, ça m'arrole. L'avenir c'est toi et moi, je t'aime, ça m'arrole. Tu sais que c'est toi et moi, tu sais, ça m'arrole. L'avenir c'est toi et moi, je t'aime, ça m'arrole. Tu sais que c'est toi et moi, tu sais, ça m'arrole. L'avenir c'est toi et moi, je t'aime, ça m'arrole. Una duro joto, una gata, una que vuela.